Chapitre 16. Depuis quand les perroquets parlent? La nouvelle ne tarda pas à se répandre parmi la gent au nez crochu. Il s'ensuivit un concert étourdissant d'actions de grâce et de malédictions. Les favorisés criaient qu'on leur rendait enfin justice. Les désintéressés vociféraient comme s'ils avaient été dépouillés. « Ces jocos sont des intrigants !» piaillaient les aras, tout ruisselant de pourpre, d'or et d'azur. « Les parvenus font-ils de l'étalage pour quelques méchantes plumes qu'ils ont l'air de nous avoir volées ?»« Avez-vous vu ces cendriots faire la roue ?» nasillait une perruche. « Dans quoi se sont-ils trempés ?»« Sur quoi se sont-ils assis ?»« Cela fait pitié, ma chère !» glapissait un cacatoès. « Ils ressemblent à ces valets qui, le dimanche, endossent la défroque de leur maître. C'est un scandale. Je ne compte plus leur adresser la parole. Où allons-nous? Où allons-nous ?» Raphaël étendit la main, et, comme s'ils eussent été soudainement paralysés, tous les perroquets demeurèrent muets et immobiles. « Ferez-vous donc toujours un méchant usage de la parole incorrigible en gence ? Une fois déjà, vos pères ont porté la peine de leur intempérance de langage. Soyez punis à votre tour. Vous ne serez plus que des échos grotesques, et chacune de vos paroles excitera le rire. Vous aviez la parole, vous aviez l'intelligence. Quel usage avez-vous fait de ces dons ? Allez, vous serez à partir de cette heure les bouffons de la race ailée. » Raphaël rendit aux condamnés leur liberté. Il fallait voir comme ils étaient changés. Leur vol était lourd, leur démarche était gauche et disgracieuse. Leur langue épaisse ne prononçait plus que des mots incohérents et sans suite. Deux choses en eux étaient demeurées les mêmes, leur plumage et leur orgueil. Hansel Eck ne put réprimer un mouvement de pitié. « Ne vous attendrissez pas sur eux, » reprit Emmanuel. « Cette race hargneuse est toujours prête à la révolte. Apprenez ce qu'ils ont fait il y a plusieurs siècles. Pharaon, d'exécrable mémoire, régnait sur l'Égypte. Voyant que les enfants d'Israël multipliaient à l'infini et craignant qu'ils ne devinssent trop puissants, il donna l'ordre de précipiter dans le fleuve tous les garçons qui naîtraient, mais de laisser vivre les filles. Il s'ensuivit un massacre effroyable, et les âmes enfantines arrivèrent ici par milliers. Les pauvres petits brusquement chassés de la vie avaient conservé un si terrible souvenir de la douleur de leurs parents, qu'ils résolurent de tout essayer pour envoyer sur terre de leurs nouvelles. Dans ce but, les chères âmes formèrent le projet d'apprendre à parler à quelques-uns des oiseaux en partance. Patiemment, dans l'ombre, en cachette, elles accomplirent cette œuvre difficile et hardie. Les perroquets leur parurent particulièrement aptes à recevoir leurs leçons. Ils en profitèrent si bien, en effet, qu'au bout de peu de temps, ils articulaient clairement des phrases longues et compliquées. Un jour, Raphaël, faisant sa ronde, entendit des murmures bizarres qui partaient d'un taillis épais. Des voix inconnues nasillaient en sourdine, des mots qu'il eut d'abord de la peine à comprendre. Il s'approcha doucement. « Rassurez-vous, disait-elle tout à l'unisson, nous reposons en paix dans une contrée sans pareille, en attendant le paradis. Nous vous aimons comme au temps de notre vie, et nous vous attendrons bientôt à la droite de Dieu. » Raphaël écarta les branches. Ce qu'il vit avait de quoi le surprendre. Au milieu d'un carrefour se tenaient quelques âmes qui, depuis le matin, avaient fait l'école buissonnière. Autour d'elles étaient perchés des perroquets aux couleurs les plus variées. La classe emplumée répétait sa leçon avec une gravité comique. « Des sociétés secrètes, ici ?» se dit l'archange avec stupeur. « En vérité, il n'y a plus d'enfants. » Son premier mouvement fut de s'éloigner et de laisser faire. Mais nos règlements sont formels, il fallait un exemple. La vue de Raphaël produisit sur les coupables l'effet attribué par ceux que vous appelez les anciens à la tête de Méduse. Toutes les voix se turent, tous les gosiers se desséchèrent. Les perroquets trouvèrent moyen de pâlir et les petites âmes tombèrent à genoux en se cachant le visage. Le discours du maître fut court mais terrible. Il inspira aux conspirateurs un salutaire effroi et les générations se succédèrent sans qu'il se commît aucune indiscrétion. Vous savez maintenant depuis quand les perroquets parlent.